Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette séance inaugurale du séminaire de 2014. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Katia Chenel. Je vais laisser Emmanuel Renaud dire quelques mots de présentation. Donc Katia aura trois quarts d'heure, une heure, comme elle veut, pour sa présentation. Et puis le jeu des questions pourra commencer dès qu'elle aura terminé. Voilà, on passe la parole à Emmanuel. Voilà, donc content de pouvoir présenter Katia Chenel, qui est donc l'une des principales actrices du renouveau des études sur la théorie critique ces dernières années. Et donc, qui a publié cet ouvrage sur Horkheimer, Autorité et émancipation, qui parlait en 2013, qui faisait suite à la publication d'un autre ouvrage sur la deuxième grande figure de la théorie critique, sur Adorno, de Jean Couteau. C'est pour ça que la spécificité de ton ouvrage, c'est que tu prends vraiment cet auteur, Horkheimer, dans la théorie critique, et tu rattaches sa collaboration, pas seulement avec Adorno, mais aussi avec les autres, dans le mouvement d'une recherche collective, d'une théorie critique conçue comme un programme interdisciplinaire, comme entreprise coopérative. Et donc, je pense qu'en français, en tout cas, sous forme publiée, c'est la première fois qu'il y a une étude de ce type. Enfin, donc, un livre qui fait date de ce point de vue et qui, par ailleurs, constitue un modèle d'articulation des approches historiques, hein, en constitution d'une histoire, et puis de la réflexion sur l'actualité d'une théorie ou d'une tradition. Voilà ce que je peux dire, je pense, pour présenter ton travail, ce livre en particulier. Merci. Voilà. Ben, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de cette invitation un peu particulière, parce que je suis moi-même une des invitantes et en même temps une invitée. Mais bon, merci beaucoup, et je vais essayer de faire au mieux pour rattacher mon propos dans la présentation du livre au thème du séminaire, qui est donc les conceptions contemporaines de la domination, mais aussi la question de l'anthropologie. Et ce sera probablement un tour de force, mais je peux m'y employer. Donc j'ai travaillé à cette présentation de mon livre en me donnant le titre suivant, enfin un titre de travail en fait, que j'aurais dû communiquer et que voilà, j'ai oublié de communiquer. La théorie critique à l'épreuve de l'autorité, c'est pas non plus très original. Donc, théorie critique à l'épreuve de l'autorité, retour sur le programme interdisciplinaire de recherche de l'école de Francfort. Puisque j'avais l'idée de présenter la conception francfortoise de la critique et son évolution au prisme du problème de la domination et notamment de l'autorité, qui est un problème central pour la première génération de l'école de Francfort. Et je voudrais tenter de définir le ou les modèles épistémologiques de la critique de cette première génération, avec leurs présuppositions quant à la nature du social et des normes, en portant attention spécifiquement à l'articulation entre les différents discours critiques, donc théorie et philosophie d'un côté et sciences sociales de l'autre, donc ici sociologie et psychologie sociale, qui visent à relayer les luttes sociales ou à les favoriser. Donc quelques remarques dans un premier temps sur le thème, en fait, l'autorité dans la première école de Francfort. Donc je me suis intéressée, comme le disait Emmanuel Renaud, donc à non pas simplement à Horkheimer, mais en fait à tous les membres, tous les penseurs de la première génération de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, les juristes Neumann et Kirchheimer, Pollock, l'économiste, Fromm, Marcuse, Benjamin. Donc selon cette distinction que j'ai reprise à Honnête entre centre et périphérie, enfin dont j'ai repris simplement les termes, hein, sans forcément reprendre la conceptualité sous-jacente. Donc je me suis intéressée à cette école non pas comme école, mais comme mouvement de pensée non unifié. Donc j'entends par là à la fois un type de théorie et le type de théorie qui s'y est déployé, enfin qui s'y est élaboré avec de multiples remaniements théoriques jusqu'à aujourd'hui. Donc la théorie critique et puis l'ancrage institutionnel de cette critique, l'Institut de recherche sociale comme lieu de confrontation entre ces différents penseurs et qui sont engagés dans des projets pluridisciplinaires, donc les publications de la revue de recherche sociale qui est l'organe de l'Institut, donc entre 1932 et 1941. Et plus généralement, en fait, les échanges et la circulation des idées et des textes dans cette école de Francfort. Donc une circulation entre des disciplines, voilà, disciplines notamment l'économie, la psychanalyse, la théorie de la littérature, la sociologie, la philosophie. Alors, précisément, le thème de l'autorité et de l'autoritarisme est très présent dans les écrits de ces théoriciens pendant plus de deux décennies, des années 30 aux années 40, et ce qui est finalement assez rarement souligné. C'est presque le seul objet, donc avec la famille au départ, et puis ensuite avec l'antisémitisme, à faire l'objet d'un traitement empirique, et d'un traitement interdisciplinaire et d'un traitement empirique, notamment au cours de trois grandes études sociologiques, donc une étude en 1929-31 qui est publiée bien plus tard, donc sur les employés et les ouvriers à l'aube du Troisième Reich, une étude sur l'autorité et la famille en 1936, et puis la fameuse étude sur la personnalité autoritaire de 1949 qui est dirigée par Adorno. Indépendamment indépendamment de ces études empiriques, l'autorité c'est aussi l'objet de beaucoup de textes programmatiques, de beaucoup de textes de réflexion, donc des textes théoriques, et puis c'est aussi l'objet de réflexions de textes plus politiques comme l'État autoritaire, qui est un texte de Horkheimer, et puis différentes réflexions autour de l'État autoritaire par Pollock, Horkheimer et Adorno. Et Neumann et Kirchheimer, que j'oublie rapidement ici. Et on trouve encore la question de l'autorité dans des textes qui sont cette fois des textes de théorie de la littérature, avec la question de l'autoritarisme qui peut nous sembler aujourd'hui plus obsolète dans une certaine mesure et qui est très très présente dans ces années-là. Chez tous ces auteurs, il s'agit à la fois d'un travail commun, c'est-à-dire d'un engagement dans des projets collectifs et en même temps d'une réflexion souvent menée individuellement en dialogue avec les autres auteurs ou alors même en contradiction ou en opposition avec les autres penseurs. Ça fait de l'autorité un objet central de la collaboration interdisciplinaire et ce qui est très étonnant en outre dans cet objet, c'est que c'est précisément cette catégorie d'autorité, ou cette notion, donc je vais peut-être clarifier ça après, qui sont évoquées pour penser la montée du nazisme et le nazisme. Et ce qui est relativement paradoxal, puisque c'est au moment où des relations plus brutales de domination s'instaurent, que les théoriciens critiques ne développent pas véritablement une analyse de la violence ou des rapports de force ou de guerre entre États, mais qu'ils théorisent cette situation politique en termes d'autorité et d'autoritarisme. Et plus généralement, donc, il est assez étonnant que la notion d'autorité soit utilisée de façon relativement constante pour saisir des aspects assez divers de leur époque, qu'elle soit utilisée par les théoriciens critiques pour saisir ces aspects divers de l'époque, donc centralement la question du nazisme, mais aussi des aspects bien plus disparates et puis étalées dans le temps, c'est-à-dire donc l'autorité et la famille, la crise de l'autorité familiale dans les années 30, dans les années 20 et 30, lorsqu'il s'agit d'analyser l'échec de la révolution prolétarienne et le déclin de la classe ouvrière, et puis ensuite la montée du nazisme, la soumission au leader, donc plus classiquement, l'État autoritaire, donc pour la connivence du stalinisme et du nazisme, la manière dont le pouvoir vient court-circuiter le droit, et également élucidé en termes d'autorité, d'autoritarisme, et enfin, donc plus surprenant, ce que j'évoquais, donc des transformations dans la culture, le conformisme qui est produit dans l'industrie culturelle et la propagande fasciste dans la démocratie américaine sont également saisies en termes d'autorité. Et l'étude d'Adorno en 1949, étude sur la personnalité autoritaire, porte sur les États-Unis, donc sur un contexte démocratique dans une certaine mesure. Et donc tout mon travail a consisté à dégager ces modes de théorisation qui sont épars et pas forcément explicitement reliés, à les dégager donc à partir des analyses des théoriciens du centre et de la périphérie pour en établir l'articulation. Donc le point de départ de ma recherche, c'est l'autorité comme objet du programme de recherche de la théorie critique, cette philosophie sociale qui veut donc imbriquer dialectiquement, comme le dit Horkheimer dans son programme, dans son discours de prise de fonction, qui veut imbriquer dialectiquement la perspective philosophique sur l'ensemble de la société et l'apport des faits concrets, donc ce que j'ai appelé une perspective plus positiviste au départ. L'autorité, c'est donc ce qui permet l'exploration approfondie de l'architecture conceptuelle du programme, donc du jeu des disciplines qui sont mises à contribution, donc en l'occurrence notamment sociologie et psychologie sociale, mais plus généralement philosophie et sciences sociales. Alors bon, pour aboutir à les différents modes de théorisation de l'autorité dans ces différentes disciplines aboutissent à un diagnostic relativement unifié qui est celui que j'ai appelé à partir des termes de Horkheimer, que j'ai appelé diagnostic de l'autorité des faits, qui est le diagnostic selon lequel la rationalisation du monde moderne ne conduit pas à la libération escomptée, ne met pas fin, donc à l'égard de l'autorité, ne met pas fin aux autorités, mais donne lieu à une nouvelle forme de domination ou d'autorité qui passe par l'idolâtrie du donné, l'idolâtrie des faits, ou l'idolâtrie l'idolâtrie des faits, qui passe par l'exercice de la rationalité elle-même. Suivant Horkheimer, j'ai appelé ça l'autorité des faits. Et il s'agit là à la fois d'un discours, de désigner un discours idéologique, ce qu'on peut appeler, bon, c'est un peu rapide, mais une introjection des faits, enfin, disons la manière dont le sujet saisit la réalité comme un donné et accepte en le saisissant même. Comme sur le modèle du schématisme kantien, les conditions sociales qui façonnent cette réalité. Une sorte de versant psychique de cette autorité des faits, mais encore donc une organisation politique qui est ce que Horkheimer élabore à partir de ses réflexions sur l'État autoritaire. Ce diagnostic, bon, évidemment, n'a pas de sens s'il est conçu comme ça, de façon anhistorique, et s'il est simplement juste exposé comme si c'était une figure. Évidemment, parce qu'il y a de l'autorité des faits partout et à toute époque, mais ce qui est intéressant dans le diagnostic des théoriciens critiques, c'est que c'est à la fois un moment de rationalité et c'est assez proche de ce qu'ils appellent finalement l'Aufklärung quand ils rédigent la dialectique de la raison, c'est-à-dire à la fois quelque chose comme un mode de rationalité et en même temps un moment historique, c'est-à-dire les deux à la fois. Et en l'occurrence, ici, ce moment historique, c'est le moment marqué par l'hégémonie d'un type de scientificité qui est ce type de scientificité promu par le positivisme. Ce diagnostic de l'autorité des faits a pour pendant ce que j'ai appelé la métaphysique des faits, cette paradoxale métaphysique des faits qu'est le positivisme pour Horkheimer. Et donc notamment aussi pour Adorno au moment où ils écrivent la dialectique de la raison. C'est un diagnostic qui signifie que les processus de domination investissent la forme théorique elle-même. Bien sûr, bon, c'est ce qui est expliqué dans la dialectique de la raison. Et j'ai cherché à articuler les perspectives de psychologie sociale, de politique, de théorie de la culture et de la connaissance pour essayer de déterminer à quelles conditions psychologiques, sociales, politiques et théoriques l'autorité peut rendre possible, c'est-à-dire au sens de autoriser la constitution d'une subjectivité autonome au lieu de la menacer. Dernier point de ce dernier temps de ce premier point, il n'y a rien de neutre en fait dans l'usage de cette notion d'autorité. C'est pas parce qu'évidemment ça peut paraître aussi une notion assez souple et vaste et donc qui se perd en ampleur puisqu'elle est elle est tout à fait parallèle à celle d'autoritarisme. Il n'y a pas de distinction, il y en a une sous-jacente, mais là je l'ai pas encore. Il n'y a pas de distinction à faire à première vue entre autoritarisme et autorité. Bon, néanmoins, il n'y a rien de neutre dans cette reprise de la notion d'autorité qui a une spécificité. Donc l'autorité, c'est... qui a une double spécificité. Celle de son histoire, c'est une notion qui véhicule une histoire, parce qu'elle est issue de certaines analyses disciplinaires, justement, et son sens par rapport à la domination. Donc pour son histoire, les théoriciens de Francfort, la reprenant, héritent bien de la manière dont elle est employée en psychanalyse, notamment, donc ce serait le premier champ, pour penser la constitution du moi et du surmoi. Bon, et puis par les analyses pas encore freudo-marxistes ou freudo-marxistes du caractère autoritaire, donc par Federn ou par Reich, donc l'analyse du caractère autoritaire, une source clairement marxiste où la question de l'autorité apparaît notamment dans la discussion avec Bakounine, donc une source où l'autorité c'est cette répartition du commandement et de l'obéissance. Et la question est de savoir comment elle est pensée et à quel degré on critique l'autorité. Et enfin, une source qui est la philosophie politique, si on veut. Bon, là, je vais très vite. En fait, c'est des analyses de détail que les théoriciens de la périphérie opèrent, notamment Neumann et Kirchheimer, relisant Schmitt. Mais donc, l'État autoritaire, c'est bien aussi une notion... emprunté à Schmitt et retourné d'une certaine manière contre lui. Donc l'usage de la notion d'autorité de ce point de vue-là est très déterminé historiquement. Et donc la perspective globale, disons, c'est de comme dit Habermas, de poursuivre la philosophie par le moyen des sciences sociales. Donc c'est de poursuivre une question. Moi, j'ai transcrit cette formule en disant voilà, c'est poursuivre un problème politique par le moyen d'une théorie de la société. Et alors deuxième élément, c'est que sur la spécificité de cette notion d'autorité, elle est redéfinie, mais elle est spécifique. Alors la définition opératoire que j'ai utilisée, c'est celle de Horkheimer dans Autorité et famille. Donc c'est dans l'introduction qu'il fait à Autorité et famille, donc l'approbation de fait d'un rapport de dépendance donné. Ou l'état de dépendance accepté, donc l'idée d'une soumission aux données, donc ce qui peut sembler assez loin d'une conception classique de l'autorité, mais néanmoins, ce sont les mécanismes de l'autorité qui sont bien à l'œuvre, à la différence du pouvoir ou de la domination. Si on considère que la domination procède par commandement et obéissance, l'autorité repose sur la reconnaissance de la légitimité d'une instance supérieure ou la reconnaissance de la légitimité d'un ordre auquel on se conforme ou auquel on obéit volontairement de son plein gré. Et chez les théoriciens critiques, bon, autorité et domination sont proches, mais on voit bien que jusque dans le diagnostic de l'autorité des faits, il y a cette dimension de la reconnaissance, même si elle est à peine volontaire et déjà presque extorquée, même si elle n'est pas tout à fait une reconnaissance explicite d'une supériorité. Elle fonctionne sur le modèle des mécanismes traditionnels de l'autorité. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Pour comprendre l'enjeu de cette conception spécifique de l'autorité, je suis passée, moi pour m'aider, mais je l'ai également restituée dans le livre, par la comparaison avec Arendt et avec une conception qui est tout à fait diamétralement opposée. Donc c'est l'autre grand auteur qui réinvestit cette notion au XXe siècle, également en lien avec une analyse du totalitarisme et avec des choses très très proches, même si leur proximité est aussi grande que leur différence donc, entre Arendt et Adorno et Horkheimer. Donc chez Arendt, l'autorité est séparée radicalement de toute forme de domination, de toute forme de contrainte et de tout ce qui suscite l'obéissance. Donc elle s'impose sans contrainte ni persuasion, donc ça c'est ce qui est très connu, ce qu'Arendt explique dans Qu'est-ce que l'autorité, donc sans contrainte ni persuasion, alors que la domination est justement de l'ordre du commandement et de l'obéissance. L'autorité est bien liée au pouvoir chez Arendt, mais elle renvoie à la dimension du conseil par rapport à... donc du côté du Sénat par rapport à l'autorité, à la dimension du pouvoir qui appartient au peuple. Voilà, donc je retranscrit cette phrase qu'elle emprunte à Mommsen, plus qu'un conseil, elle est plus qu'un conseil et moins qu'un ordre. Voilà, l'autoritas du Sénat par rapport à la potestas du peuple. Et si l'autorité pour Arendt a disparu, on peut se demander d'ailleurs si c'est pas un peu aussi la même chose hein, pour Adorno et Horkheimer, il en reste néanmoins un modèle, des modèles en fait qu'il faut entendre au sens de la fondation. L'autorité, c'est ce qui permet de fonder le pouvoir. Donc Rome, les exemples qu'elle prend, c'est la fondation de Rome ou l'Église catholique, la République et la figure de Machiavel. Donc cette autorité, c'est la fondation dont le pouvoir a besoin, puisque le pouvoir demeure sinon fragile, pour le pouvoir étant cette possibilité d'un agir concerté. Voilà, donc l'analyse d'Arendt permet de poser la question de la légitimité du pouvoir, et elle s'oppose à toute cette tradition de penseurs qu'on a ici évoquée récemment encore et l'année dernière aussi, donc Weber, Foucault, de ce point de vue-là, et l'école de Francfort et Bourdieu. Elle essaye de marquer une distinction qu'on ne trouve pas tellement marquée à ce point ailleurs. Elle permet de faire apparaître la spécificité de la conception francfortoise de l'autorité, donc en montrant justement que les théoriciens, enfin, en faisant apparaître par contraste que les théoriciens critiques finalement font converger donc autorité et autoritarisme. Ce qui leur permet une plus grande acuité dans la saisie des phénomènes idéologiques. Je redéfinirai ça, mais j'appelle les phénomènes idéologiques au sens large, donc disons ceux issus ceux qui renvoient à la manière dont un pouvoir se donne le masque de l'autorité, alors qu'il est en réalité finalement autoritaire. L'intériorisation de la contrainte sociale qui permet donc de transformer une forme de liberté en soumission. Une forme de contrainte de contrainte en liberté et de liberté en soumission. Donc elle permet de faire apparaître Arendt cette spécificité des théoriciens critiques et également le fait que la méthode d'analyse de l'autorité doit tenter pour les théoriciens critiques, et c'est ce que Arendt refuse complètement, d'articuler les sphères, les différentes sphères, donc les sphères pré-politiques et la sphère politique. Pour les théoriciens critiques, et on le voit simplement dans les enquêtes que j'ai citées, l'autorité familiale ou la crise de l'autorité familiale a bien un lien avec l'autorité politique, et donc chez Arendt il y a bien un lien également, mais elle refuse de penser positivement l'autorité en continuité dans ces sphères, puisqu'elle démarque l'autorité politique de toute forme d'obéissance et seule l'autorité familiale est faite d'obéissance. Donc l'autorité politique ne peut pas avoir, enfin l'autorité politique n'a rien à voir avec ce qui est pensable selon un modèle familial. Et il faut, l'une de ces exigences les plus fortes pour penser le pouvoir, c'est de refuser toute théorie de la domination qui serait issue d'un modèle familial, privé, pour penser le politique qui est le domaine public. La spécificité des théoriciens de critique apparaît sous deux aspects. C'est ce lien entre autorité et autoritarisme qui me permet de mettre l'accent sur des phénomènes qu'Arendt s'interdit finalement de critiquer, ce qui d'ailleurs n'est pas tellement son propos. Et deuxièmement, elle s'interdit de penser l'autorité en termes de tension entre des sphères, puisqu'elle refuse la continuité que les théoriciens critiques établissent sur ce niveau-là également. Donc la richesse de cette notion permet de faire apparaître toute la complexité de la théorie francfortoise de la domination, ou en tout cas c'était mon hypothèse, et c'est ce que j'ai donc essayé de développer dans cette recherche, que je vais présenter dans un deuxième temps, en prenant simplement un petit aspect, parce que sinon j'aurais pas vraiment le temps. Je voudrais essayer de combiner de donner un échantillon des deux aspects qu'a énuméré Emmanuel, à la fois cette dimension historique de reconstruction de la pensée de la théorie critique, et puis une dimension plus, disons, conceptuelle ou diagnostique de l'actualité de la, enfin, de l'actualité de la théorie de la domination. Donc je vais procéder en deux temps. Donc l'aspect un peu de reconstruction, je vais me limiter à, je vais me limiter dans ce deuxième point qui est un retour sur la théorie de la domination à un ou deux résultats, je vois. Que je regarde sans voir, donc ça ne me lance pas. Voilà. Un résultat, disons, du livre, du parcours de la critique de l'autorité de la première génération. Donc, puisque j'ai tenté d'établir qu'il existe une critique de l'autorité qui n'est pas explicitée, mais qui est pourtant structurante, de la position notamment de Horkheimer et Adorno, et de leur évolution. Je vais laisser un peu de côté le dialogue que j'avais essayé d'établir entre centre et périphérie, donc je vais me centrer sur ce centre pour l'instant. Le résultat, enfin l'idée, c'est que cette critique de l'autorité est le résultat d'un certain infléchissement. Infléchissement par lequel l'articulation entre philosophie et science particulière, j'appelle science particulière les sciences sociales pour inclure la psychanalyse, donc ils appellent ça science particulière, c'est bien pratique, donc je reprends. L'articulation entre philosophie et science particulière, et notamment l'articulation entre le cadre matérialiste et l'apport de la psychologie sociale, s'est modifiée à deux niveaux, donc sur le plan du diagnostic et sur le plan épistémologique. Donc je vais m'en tenir à ces deux points pour l'instant. Donc sur le plan du diagnostic, l'autorité était critiquée en tant que manière dont l'organisation socio-économique est maintenue contre l'intérêt des personnes concernées par une structure psychique, disons, autoritaire. Donc, le premier mode de conceptualisation de l'autorité dans l'école de Francfort, c'est en gros d'essayer de penser comment cette structure psychique autoritaire vient renforcer, à la fois est issue de conditions sociales spécifiques et en même temps vient renforcer ces conditions sociales qui sont des conditions de domination. Donc la psychanalyse est pensée en quelque sorte comme un complément, quelquefois elle est appelée une science auxiliaire de ce cadre matérialiste, et notamment sur la question de l'histoire, donc dans un essai qu'écrit Horkheimer sur histoire et psychologie, où il essaie d'établir qu'on a besoin de la psychologie pour... Enfin, il appelle psychologie la psychologie des profondeurs, donc la psychanalyse. On a besoin de cette psychanalyse pour compléter le cadre matérialiste, finalement, sans tellement l'infléchir. On s'aperçoit que, de façon croissante, dans les années 40, la psychanalyse est pensée à partir de ce que j'ai appelé un noyau anthropologique modifié, et c'est là où est mon coup de force, donc d'essayer de m'inscrire dans le thème du séminaire, mais bon, sous un aspect un peu modifié, donc où ce qui prime, en fait, c'est une représentation des hommes et des rapports sociaux, puisque c'est pas du tout une anthropologie essentialiste qui postulerait un caractère que la psychologie pourrait saisir, hein. Bien sûr, c'est une anthropologie qu'ils appellent dialectique, issue de la théorie des pulsions, donc devient prédominante. Le noyau naturaliste freudien est repris contre toute attente par rapport à toute cette première période dans laquelle la psychanalyse était précisément critiquée pour cette raison, sa dimension biologisante en quelque sorte. Donc ce noyau naturaliste freudien, il est repris et dialectisé comme concernant la seconde nature, donc la pétrification de la société en nature. Et c'est d'un autre rapport à la nature qu'est attendue la critique et l'émancipation. Donc il y a une sorte de retour à Freud après avoir critiqué la pulsion de mort. Horkheimer, à cette période, indique dans sa correspondance que la psychologie... Enfin, qu'il faut savoir revenir à Freud, quoi. Il fait une sorte de retour à Freud. Et c'est pas le seul lien avec Lacan, enfin, qui pourrait être établi, puisqu'il y a une critique de l'égo-psychologie aussi. Donc la psychologie est une psychologie de l'individu et de la libido, écrit Horkheimer, et il faut savoir se référer au, de façon orthodoxe aux écrits de Freud. Donc ce noyau anthropologique est défini par une articulation de la théorie sociale à la psychanalyse, et au départ, donc la psychanalyse qui devait éclairer les tensions entre les classes sociales, ou plutôt la manière dont ces tensions devraient éclater mais n'éclatent pas, change complètement de fonction. Donc elle éclairait la manière dont les tensions demeurent latentes, et elle se met finalement à devenir le principe de la critique, au lieu d'être simplement le complément, et au lieu donc de compléter un cadre matérialiste qui laisserait la conception de l'homme intouchée, elle vient faire exploser le cadre matérialiste. Donc c'est l'interprétation que je propose avec beaucoup d'autres personnes, je suppose aussi, de l'évolution du programme critique depuis le programme interdisciplinaire de recherche jusqu'à la dialectique de la raison et l'abandon de ce premier programme critique. On peut suivre la question de la nature. Le cadre matérialiste reposait sur un sujet qui devait gagner plus de maîtrise de lui-même en continuant finalement un rapport de répression. On sait la critique que fait aussi Marcuse, mais Horkheimer et Adorno prennent une autre voie et justement doivent se centrer sur, enfin passent finalement d'une histoire de la rationalité à une archéologie de la rationalité dans la dialectique de la raison et puis les écrits des années 40 sur la raison, et s'efforce d'expliquer, d'ouvrir la voie à un autre rapport possible à la nature, donc qui évite la surrépression et qui ne reconduise pas la répression par la rationalité instrumentale. Et donc c'est la fonction de concepts assez flous, comme celui de Némésis, notamment chez Adorno, ou alors chez Horkheimer on trouve, mais alors il faut chercher bien parce que c'est pas toujours très net, donc la fonction du maternel, enfin toute la réflexion sur le caractère maternel et le droit matriarcal, le matriarcat, donc il y a les deux motifs, disons, les analyses de la mère et puis l'usage des réflexions sur le matriarcat. Donc il s'agit bien d'anthropologie, donc parce qu'énormément de textes portent sur l'anthropologie, donc je les cite pas, mais simplement quand ils annoncent dans la dialectique de la raison, dans la préface, la dernière partie qui est inachevée, qui n'est pas forcément inachevée, mais en tout cas qui est demeurée à l'état de fragment définitif. Donc ils indiquent que le projet de cette dernière partie sur les notes et esquisses est un projet d'anthropologie dialectique. La preuve est dans les fragments que les autres fragments, donc notes et fragments inédits qui viennent de paraître ou qui vont paraître, je ne sais pas, dans la dialectique de la raison, les fragments qui n'ont jamais été publiés et qui viennent d'être traduits. Horkheimer appelle ça anthropologie, mais ne le dit pas, donc je le cite, il dit « Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne crois pas à la psychologie comme moyen de résoudre un problème aussi sérieux. » Donc il parle de l'antisémitisme à Marcuse, en écrivant à Marcuse. « Je n'ai pas changé d'un pouce mon scepticisme envers cette discipline. Par conséquent, j'utilise dans le projet le terme de psychologie pour désigner l'anthropologie, et celui d'anthropologie au sens de la théorie de l'homme telle qu'il s'est formée dans le contexte d'une société antagoniste. » Mon intention est d'étudier la présence du schème de domination dans la prétendue vie psychologique, les instincts autant que les pensées des hommes, les tendances des gens qui les rendent réceptifs à la propagande de la terreur sont elles-mêmes le résultat de la terreur physique ou mentale, de l'oppression en acte et en puissance. Si nous pouvions réussir à décrire les processus par lesquels la domination exerce son influence jusque dans les domaines les plus reculés de l'esprit, nous aurions fait du beau travail. Donc substitution du terme de psychologie à celui d'anthropologie. Je vois que j'avance pas très vite, la critique de la psychanalyse, parce que là je fais comme si la psychanalyse était quelque chose de positif, qui était un principe de critique, mais elle est un principe de critique bien sûr, et elle le devient de plus en plus, que pour autant qu'elle est aussi l'objet d'une critique très serrée. Et la psychanalyse est reprise et critiquée, et j'ai une autre citation qui est dans le même volume en fait de Horkheimer. Évoquant la psychanalyse, il indique, enfin il l'appelle psychologie là, la psychologie n'est rien d'autre que le délire qui consiste à croire qu'on pourrait transformer l'individu, transformer la société en s'en tenant à ce que cet individu est devenu une monade dans la société. Donc il y a critique à partir de la psychanalyse, mais pour autant que la psychanalyse est bien sûr l'objet elle-même d'une critique au sein d'une théorie de la société, mais qui là est contrainte de redéfinir totalement son cadre si elle veut donc prendre en charge les acquis de cette psychanalyse qui lui fournissent des éléments donc sur ce que j'ai appelé le noyau anthropologique de la domination qu'un cadre matérialiste a du mal à prendre en charge. Donc c'est tout le problème de la dialectique de la raison. Je passe certains éléments et donc évidemment dans l'anthropologie là il y a le sens allemand qu'il faut entendre, donc celui d'anthropologie philosophique allemande du début du siècle, avec l'idée que cette dimension biologique qui est présente donc, par exemple chez Gehlen est ici dialectisée dans la théorie de la société comme seconde nature. L'enjeu de cette transformation du noyau anthropologique de la domination, c'est la pulsion de mort. Et elle avait été critiquée donc jusqu'ici dans les écrits de Horkheimer dans les années 30 avec Fromm. Enfin, il critiquait la pulsion de mort évidemment parce que c'était l'attribution anhistorique d'un mal. C'était quelque chose qui semblait justement hors d'une théorie de la société. La psychanalyse est souvent critiquée pour l'anhistoricité de ces concepts. Là, elle est reprise sous la forme elle est reprise, donc cette pulsion de mort, en étant rapprochée du mimétisme et de la notion de mimésis, ce qui est l'objet d'une des notes de la dialectique de la raison sur le criminel. Et elle est reprise pour essayer de penser une forme d'identification pathologique à la réalité qui constitue justement la nouvelle forme d'autorité et donc qui alimente ce diagnostic que j'ai évoqué, qui est le diagnostic de l'autorité des faits. Donc l'usage de la psychanalyse permet de via la pulsion de mort de penser une sorte d'identification réifiante ou de mimésis de la mort, donc des mécanismes de domination dans lesquels l'individu s'efface en s'identifiant et en se projetant, et qui ouvre la voie à des mécanismes politiques donc explicités, donc notamment c'est la manière dont l'antisémitisme est analysé, le nationalisme dans certains textes d'Adorno. Ce qui est intégré reformuler ce diagnostic, c'est une question en fait, voilà, simplement une manière d'appréhender la domination saisissant notamment la manière dont les conditions sociales de la domination favorisent un type d'homme, enfin, un type anthropologique. Donc c'est une question qui est très présente chez Adorno et Horkheimer, puisqu'ils sont conduits à élaborer un diagnostic qui est celui de la fin de l'individu. Je le laisse de côté, mais j'indique juste simplement que c'est pour eux le fait que la division du travail en quelque sorte est absente à l'intérieur des individus, et que les traits productifs de l'individu sont radicalement restreints à une fonction unilatérale, limitée et spécialisée. Et ce diagnostic, bon, qui est ce qui fait frémir d'horreur, je suppose, Habermas, et qui met fin d'une certaine manière qui exténue la critique dans une certaine mesure, ce diagnostic est intéressant au sens où il est le symptôme d'une question, donc d'un questionnement qui est celui de on peut repérer aussi avec Catherine Colosélène chez Max Weber, donc qui est ce questionnement et qu'on peut trouver maintenant aujourd'hui aussi enfin dans la continuité de l'école de Francfort qu'on trouve beaucoup chez Christopher Lasch qui est donc cette question du type d'homme favorisé par les conditions sociales et chez Weber c'est le à quel type humain l'organisation des relations sociales donne-t-elle les chances optimales de devenir le type dominant par le biais de la sélection externe et interne. Donc ça c'est ce que c'est la manière dont Catherine Colotelaine cite l'esquisse d'une théorie de la science pour expliciter cette question. Bon, voilà, donc la c'est le premier élément, c'est donc comment la psychanalyse apporte cette réflexion sur la constitution d'un nouveau type d'homme et justement met en péril peut-être le cadre matérialiste qui était donc celui des années 30 et qui, par le vecteur de cette notion d'autorité, vient mettre en danger non seulement le noyau qui était au départ optimiste de cette théorie de la domination, mais finalement toute la théorie elle-même en obligeant à réétudier donc les rapports entre la rationalité et la nature, ce qui est l'objet donc de la dialectique de la raison. Le deuxième élément dans la transformation que j'évoque du premier programme à la dialectique de la raison, c'est le plan. Donc là, c'était le plan du diagnostic. Donc maintenant, le plan épistémologique. Donc la psychanalyse était une science complémentaire, elle devient le principe de la critique. Donc la philosophie s'appuyait sur des faits extérieurs, elle reposait sur une forme de positivisme et ces faits sont considérés de façon croissante comme structurés par la théorie et de plus en plus la dialectique, la manière dont Adorno et Horkheimer héritent de la dialectique. De plus en plus, cette dialectique en fait, est marquée par un antipositivisme. C'est ce qu'on voit dans les... Je résume des choses, je ne devrais pas, mais c'est ce qu'on voit très bien dans les discussions. Donc moi, je me suis appuyée sur ces discussions entre Horkheimer et Adorno au moment où ils écrivent ensemble donc, la dialectique de la raison. Et ces discussions sont depuis donc, traduites et publiées dans le laboratoire de la dialectique de la raison. Donc, je fais un double coup de pub. On voit très bien donc, dans cette discussion comment finalement la dialectique pour être redéfinie doit se redéfinir par rapport au positivisme et par rapport au problème de l'extériorité des faits et de la manière dont on peut s'appuyer sur les données en fait empiriques. L'idée que je voulais défendre, et je vais plus vite parce que je voulais quand même arriver au dernier point, l'idée c'est que, donc pour boucler la boucle en quelque sorte, que cette évolution de la théorie critique au plan épistémologique, donc l'abandon du programme interdisciplinaire et puis l'écriture de la dialectique de la raison, est aussi entre autres pensable en termes d'autorité. Et donc à entendre cette fois au sens théorique, et ce qui permet d'articuler les deux sens de l'autorité, donc l'avènement de nouvelles formes d'autorité comme injonction à se soumettre à la réalité, donc est solidaire de l'hégémonie de ce discours scientifique positiviste ou néo-positiviste, que Horkheimer donc considère comme une vraie métaphysique des faits, qui renforce l'autorité des faits, et que plutôt que de lire simplement... le cheminement de la théorie critique comme une perte du destinataire, on peut donc peu à peu, voilà, on peut le lire comme on peut lire ce cheminement comme étant un cheminement vers un antipositivisme de plus en plus radical, au point que le positivisme devient une sorte de, enfin qui était quelque chose d'assez précis dans les années 30, devient dans la dialectique de la raison. Quasiment identique à ce qu'ils appellent le mythe de ce qui existe, ou le mythe du donné, donc quelque chose de plus vaste et moins identifiable que ce qui était l'objet précis des textes de Horkheimer dans les années 30, le cercle de Vienne, enfin la tendance néo-positiviste, ce qu'il appelait la tendance néo-positiviste, voilà, les analyses de Neurath, par exemple, qui écrit dans la revue de recherche sociale. Le positivisme n'ayant pas toujours été quelque chose de très précis, puisque au départ, c'est également assimilable à la théorie traditionnelle de laquelle il faudrait distinguer la théorie critique. Donc cette théorie traditionnelle, c'est celle qui essaye d'ordonner et de mettre en forme les faits au lieu de les rapporter à l'activité des hommes dans une perspective marxiste. Voilà, donc c'est pensable en termes d'autorité au sens où il y a une critique de l'autorité des sciences et une méfiance à l'égard des résultats proposés par les sciences, même donc réintégrés dans un cadre dialectique, comme c'était le cas pour le premier programme, et une transformation de la structure, du mode d'écriture philosophique et donc de la structure d'autorité elle-même, donc une transformation de l'autorité dans la dialectique de la raison. Je vais vite, mais c'est le conflit de la raison avec elle-même qui est mis au jour, et donc la critique dans la dialectique de la raison s'opère non pas en partant de l'irrationalité du social, en montrant en fait par grossissement le retournement de la raison contre elle-même, le dévoiement de la raison, son autodestruction, contre ce processus en fait de retournement de la critique en affirmation de ce qui existe, de retournement de la raison contre elle-même, il faut inventer une autre forme d'autorité, une autre forme d'autorité de la parole, donc au sens de l'autorité énonciative. Je faisais cette distinction que je n'ai pas vraiment explicitée entre une autorité plus institutionnelle hein, qui porte sur les conduites et une autorité énonciative. Et finalement, c'est la position auctoriale dans la dialectique de la raison qu'on peut suivre et qui est transformée. Il y a en gros deux raisons dans cette transformation du programme et qui concerne, mais bon, je les ai très grossièrement résumées, donc qui concerne la théorie de l'autorité et qu'on peut donc expliciter et reconstruire en quelque sorte. Donc l'apport de l'école de Francfort sur le problème de l'autorité, c'est cette approche interdisciplinaire dans laquelle en fait prime la psychanalyse qui conduit à une transformation du noyau anthropologique de la domination, qui pousse donc la psychanalyse du point de vue de la position de science complémentaire à celle de principe de la critique. Et puis la transformation de la théorie et de l'idéologie, puisque avec l'avènement du modèle positiviste de scientificité, donc qui s'en tient aux faits, avec la perte de puissance de la critique en quelque sorte, la théorie critique est sommée de se redéfinir, de se redéfinir, et ça veut dire de redéfinir son mode d'écriture philosophique. Et donc, là on peut suivre, je passe parce qu'on n'a pas le temps, mais toute la réflexion sur la logique dans la dialectique de la raison, puisque l'un des projets de Horkheimer quand il écrit la dialectique de la raison était celui d'une logique dialectique. Maintenant, ayant donc ressaisi un peu les bases de la critique de l'autorité, je voudrais pour terminer dans un dernier temps, ressaisir ces bases dans une perspective plus globale et revenir sur le tournant dans la critique de la première génération à la suite, donc la deuxième génération de l'école de Francfort, disons Habermas, ou la troisième ou la suite de la deuxième, donc Honneth. C'est-à-dire en fait, donc je reviens en fait en arrière dans la manière dont j'avais, dans la manière dont j'ai travaillé. Je suis partie de l'observation du paysage intellectuel allemand, et j'ai trouvé des échos dans le paysage intellectuel français donc à cette observation. Donc je suis partie du constat d'une relativisation de la critique de la domination, d'une relativisation de toute forme de théorie de la domination qui serait trop radicale ou unilatérale, qui serait rétrécie, disons, dans l'école de Francfort ou donc chez Bourdieu, puisque c'était le parallèle que j'avais tenté de faire. Et j'ai constaté donc l'effort des théories actuelles de la société depuis Habermas et Honneth pour laisser une place, ou plus précisément laisser une forme d'autonomie à ce que Habermas appelle l'ordre légitimé par des raisons, quand il oppose les approches normativistes à des approches objectivistes qui prendraient plus en compte la réalité sociale et qui se centreraient, dit Habermas, sur l'ordre stabilisé par des rapports de force. Donc donner plus d'autonomie à cet ordre des raisons, ou encore aux prétentions à la justice, ou à ce que Honneth appelle des attentes normatives de reconnaissance. Et donc pour développer rapidement la manière dont ce cadre en fait qui m'a servi et que je continue à travailler, on peut simplement suivre d'abord les modèles de la critique très rapidement pour voir ce que la question de l'autorité devient en fait, donc pour voir si les insuffisances de l'analyse de l'autorité dans la première théorie critique sont finalement continuées, enfin si elles sont si la seconde génération y remédie. Donc j'ai travaillé à partir de l'idée que on a un modèle 1 dans un modèle unifié, disons, enfin un modèle non unifié en fait. On a un modèle de critique, une critique disons immanente dans toute l'école de Francfort finalement, mais modèle dans lequel l'immanence prend un sens différent dans les deux cas, mais qui globalement en fait c'est une méthode d'évaluation de la société ou de confrontation de la société à ses propres normes qui suppose de dégager des critères à l'aune desquels les normes de la société peuvent être évaluées, et ces critères sont pour la critique immanente tirés de la société elle-même, sont tirés du social lui-même. Donc il s'agit de partir d'une normativité qui est inhérente à la société ou aux formes de vie, et normativité inhérente aux formes de vie ou aux pratiques sociales des acteurs, et c'est pas forcément tout à fait pareil, et d'en dégager en quelque sorte, disons, la promesse ou le degré de réalisation dans la société, en mettant au jour les processus qui entravent cette réalisation ou qui la déforment. Et une critique immanente s'efforce de saisir dans cette réalité sociale le potentiel rationnel qui est menacé par les processus capitalistes des sociétés modernes. Donc si on le dit aussi globalement, évidemment, on peut retrouver cette démarche au cœur de la première théorie critique, mais aussi donc de Horkheimer, sa reformulation avec Adorno, les théories de Fromm, Marcuse et Benjamin, et la théorie de Habermas, ainsi que celle d'Honneth. Il parle pas beaucoup de critique immanente. Alors, il y a un consensus aujourd'hui, on parle tout le temps de critique immanente pour parler de l'école de Francfort, mais en réalité, Horkheimer et Adorno en parlent peu. Et en tout cas, chez Adorno, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est souvent dialectisée avec la critique transcendante. C'est-à-dire que je me réfère en fait au texte sur la critique de la culture, où il montre que la critique immanente présuppose d'adopter, même méthodologiquement, même momentanément, la totalité problématique, la totalité fausse. Et donc il faut, comme la théorie critique ne peut pas garder ce moment, ne peut pas finalement adopter véritablement cette totalité fausse, il lui faut un moment il faut qu'elle soit dialectisée avec une critique transcendante, ce moment d'extériorité qui lui permet de ne pas adopter véritablement cette totalité problématique pour pouvoir en montrer la fausseté. Et elle est extrêmement présente, cette critique immanente, évidemment, chez Horkheimer, dans la manière dont il expose la critique. je vais simplement elle est surtout donc peut-être une manière de formuler la démarche globale de l'école de Francfort, enfin, disons de la théorie critique, quand Habermas ou Honneth la reprennent ou la prolongent, parce que du coup elle est déplacée, elle est revendiquée finalement dans un autre contexte, celui donc que je viens d'évoquer pour Habermas, le fait de se situer dans une critique qui se tient entre une critique. Une perspective normativiste et une perspective objectiviste, ou alors elle est ce qui permet de résoudre la tension pour Honneth entre une critique extérieure ou externe et une critique interne, c'est-à-dire une critique qui ne partirait pas de la réalité sociale effective mais qui a pour elle des normes universelles et une critique qui serait interne, c'est-à-dire qui serait uniquement locale mais qui elle part de la réalité sociale elle-même. Donc d'une certaine manière quand on présente la théorie critique comme une critique immanente, on cherche effectivement à montrer qu'elle résout cette tension qu'elle résout cette tension entre ces deux types d'approches au sens où elle parvient à dégager les critères de la critique du social lui-même, de ses structures surtout pour la première génération, de ses pratiques peut-être davantage pour la seconde génération, mais que ces critères ont une validité qui transcende la société dans laquelle ils s'incarnent. Donc on trouve cette critique immanente, je sais que je ne peux pas développer. On trouve cette critique immanente donc, chez Horkheimer quand il dit simplement que il critique la société à l'aune de principes qui ne sont pas pleinement réalisés dans la société, et quand il s'appuie sur ces formes de vie qui sont existantes mais qui sont entravées par les rapports sociaux, quand il écrit que l'avenir que l'on veut construire est déjà vivant dans le présent, mais que ce fait ne confirme pas la théorie qui continue à entretenir un rapport complexe à l'histoire. Donc une théorie critique par opposition à une théorie traditionnelle, précisément, c'est une théorie qui n'avalise pas le donné tel qu'il est, mais qui donc saisit en lui les éléments qui vont permettre de dépasser les situations d'injustice. Chez Habermas, la critique est immanente au sens où elle est ancrée dans le potentiel rationnel qui est inhérent à la communication, mise en œuvre par les individus. Et chez Honneth, de même, la critique immanente, enfin, se veut immanente aux prétentions normatives qui sont élevées par les acteurs eux-mêmes, mais avec la différence qu'il s'agit de dégager un potentiel normatif à l'œuvre dans les interactions, mais cette fois selon une procédure négative qui part de l'expérience. L'expérience négative de l'injustice ou de du déni de reconnaissance. J'indique très rapidement selon que l'on ancre la critique dans des interactions sociales qui sont porteuses d'un potentiel rationnel déformé, donc ce serait disons la deuxième génération et la troisième, ou selon que l'on considère ces interactions faussées comme l'indice d'une irrationalité des tendances sociales, on a pratiquement changé le sens de l'immanence. L'immanence n'est pas la même, pas plus donc que le rapport au destinataire et la transformation sociale. Et donc il y a un changement radical qui s'est opéré dans la continuité, malgré tout, dans la continuité d'une critique immanente avec les deux générations suivantes, changement de la conception du social, refus donc d'une conception de la société comme intégrée, prise en compte de la société, de la différenciation sociale, des sphères du social, changement dans la conception de la rationalité, de la manière dont elle est incarnée dans la société, refus de l'hypothèse d'une totalité fausse, donc confiance dans la rationalité qui certes est déformée mais qui d'une certaine manière est potentiellement présente dans les pratiques des individus, et ce changement dans la conception de la critique immanente qui est aussi un changement dans la conception donc de la société et de la rationalité renvoie à un changement, à un tournant dans la critique, que Habermas a appelé, disons, le passage de la critique comme autoréflexion à la critique, à la reconstruction, où la philosophie prend un rôle secondaire, second par rapport aux interactions sociales. Dans ce passage, la question de l'autorité, elle aussi, est considérablement transformée, et c'était là où je voulais en venir et où j'ai peu de temps pour finalement développer ce point. Donc je vais simplement résumer. D'abord, il y a un silence des théoriciens actuels de Francfort, des représentants, disons, des représentants de la théorie critique sur les analyses de l'autorité ou la théorie de la domination de la première génération, ce qui est lisible, un silence donc, ou une forme de critique, mais parsemé, très peu de critiques par rapport à l'immense silence. Il y a une prise de distance à l'égard de cette théorie de l'autorité et qui est lisible dans les concepts qui sont mis en avant, donc le concept de rationalité communicationnelle ou celui de reconnaissance. Donc prise de distance à l'égard de la théorie de la domination et en même temps présence d'une théorie, disons, faible, non explicite et jamais systématisée et très peu appuyée, présence d'une théorie de l'autorité chez ces auteurs. Donc une théorie de l'autorité, alors très vite chez Habermas, disons, et à laquelle je voulais poser des questions, mais elles sont aussi un peu posées là. Dans cette idée, par exemple dans le dialogue avec Gadamer ou dans la réflexion sur la manière dont l'accord doit se produire, donc il y a l'émergence d'une forme de concept discret d'autorité des meilleures raisons, d'autorité du meilleur argument, d'autorité des raisons, qui serait ce qui permet de distinguer la véritable communication d'une pseudo-communication. Et puis l'émergence d'une autorité plus positive aussi chez Honneth, alors à deux niveaux, d'abord comme envers simplement de, enfin disons d'abord dans la reconnaissance elle-même qui est l'un des aspects de l'autorité, et puis ensuite dans les textes plus récents quand il réactualise la notion de viétique ou de Sittlichkeit. Et qu'il s'attache à sauver la théorie hegelienne de l'accusation de conventionnalisme ou de conformisme, et qui fait une distinction entre les normes qui sont simplement en vigueur et les normes qui sont valides, qui ont une validité objective. Et là, il y a un concept d'autorité qui surgit discrètement, qui est la manière dont les individus s'autorisent mutuellement les normes et s'autorisent leurs actions. Chez nos auteurs actuels, disons, suite à ce changement de structure, l'élaboration discrète d'une théorie positive de l'autorité dans laquelle finalement les attentes normatives et les prétentions à la justice des individus sont conçues comme autonomes et positives, et l'autorité c'est cette ressource dans laquelle on puise, cette légitimité qui nous permet de faire valoir des prétentions à la justice ou des attentes normatives. Donc on passerait d'une théorie de la légitimation qui est centralement négative à une théorie plus positive de la légitimité. Donc voilà le cadre dans lequel je voulais me situer. Et comme je prends encore 2 minutes, mais c'est tout, je voulais donc interroger en fait ces théories, enfin d'abord m'interroger sur la possibilité de combiner ces deux dimensions, c'est-à-dire peut-on à la fois déployer une théorie de l'autorité qui fasse front sur des critères très clairs comme ils le font, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'avoir un concept positif d'autorité comme Habermas et Honneth discrètement, même si c'est pas forcément l'objet d'une attention explicite. Peut-on donc avoir une théorie claire et en même temps qui soit capable d'analyser les phénomènes que j'ai voulu analyser, donc ces phénomènes de renversement de l'autorité de la liberté en autorité ou du pouvoir en autorité, du renversement idéologique, donc de la J'avais je voulais distinguer deux phénomènes, en fait, notamment le phénomène de renversement de la liberté en soumission, interroger la pseudo-communication chez Habermas et la reconnaissance comme idéologie chez Honneth. Ou inversement, si on a une théorie de l'autorité qui est strictement négative, peut-on, à partir d'elle, dégager de façon pertinente et claire des critères qui nous permettent d'opérer cette critique, le risque étant, dans la première théorie critique, qu'on ne trouve pas cette théorie positive de l'autorité, qu'on ne puisse pas faire fond sur un concept positif d'autorité. Bon, j'ai enlevé la moitié de ce que je voulais dire, mais je pense que je m'arrête là. Bien, merci beaucoup Katia. C'est une fresque reconstructive de la première et de la deuxième génération de l'école de Francfort, même plus qu'une conférence. Nous passons maintenant aux questions. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. Stéphane, allez. Merci d'abord pour cet exposé qui nous rappelle les thèmes essentiels d'un livre très important et très intéressant. Alors, je voudrais revenir à un point conceptuel à la fois de ton livre et de son exposé. C'est la différence entre domination et autorité. Tu es revenu là, et ça me semble être un point crucial. Je crois qu'un des apports de ton travail, c'est de faire émerger dans le paysage conceptuel des grandes catégories sociocritiques dont nous pouvons disposer, un concept d'autorité auquel nous n'avions pas recours spontanément parce que nous l'attribuions peut-être à tort exclusivement à la philosophie politique comme telle et aux préoccupations liées à l'État. Mais la question que je me pose, c'est la suivante. Tu l'as rappelé à l'instant, et c'était déjà dans le livre, pour toi, la différence entre domination et autorité, elle tient dans ceci. Elle tient dans le fait que, en gros, l'autorité, on y adhère, on y croit. Il y a un acte d'adhésion réflexif. Tout à l'heure, tu as dit de plein gré, hein, de bon gré. Je me demande si c'est distinctif. Parce que, après tout, analytiquement, par rapport à nos usages habituels de la notion de domination, et même par rapport aux usages savants de la notion de domination chez Bourdieu, par exemple, on peut penser à une domination à laquelle on adhère, à laquelle on consent d'une certaine façon. C'est ce qu'un auteur comme Bourdieu permet de penser. Alors la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas penser une autre définition distinctive de l'autorité, à savoir, l'autorité, c'est une domination qui s'incarne, quoi. L'État, c'est une institution, c'est des personnes, le pouvoir charismatique, la famille, c'est le père freudien, hein, tel qui se réplique dans le surmoi. Et du point de vue de la critique de l'idéologie, l'autorité, c'est ce qui s'incarne dans le discours d'autorité, comme on dit très bien en français. Voilà. Est-ce qu'au fond, le critère, c'est pas celui de l'incarnation, quelque chose qui est autre chose que la domination anonyme, quelque chose qui dépasse le caractère anonyme, sans visage des dominations modernes, plutôt que la capacité d'adhésion et d'entrer en complicité des agents? Oui, alors, je ne suis pas du tout... merci pour cette question. Je ne suis pas du tout sûre de penser que l'autorité, son critère distinctif, soit cette adhésion réflexive. D'accord. Puisque, parce que justement, de même qu'on trouve ces analyses chez Bourdieu, je pensais à la violence symbolique, effectivement, ou à d'autres analyses, ou l'autorité pédagogique... Enfin, il y a toujours chez Bourdieu, il tient ces deux niveaux, et je pense que c'est pareil dans l'école de Francfort, entre une adhésion quasiment factuelle, enfin, voilà, et presque extorquée, mais simple, c'est toute l'analyse qui est même gros, des fois un peu grosse, enfin, de Adorno Horkheimer sur le schématisme kantien, où Hollywood, c'est ce qui schématise tout pour le client. L'idée n'est pas du tout que ce soit forcément réflexif, et ils utilisent. Mais l'adhésion, elle peut être un peu extorquée. Donc effectivement, c'est une première distinction entre autorité et domination. C'est vrai que, enfin, moi, ce qui m'intéressait en fait plus spécifiquement, c'est le fait que l'autorité permet de penser un renversement ou une dialectique entre contrainte et liberté, soumission et liberté. Plus que la domination, et parce que l'autorité tient ensemble deux sens, enfin, se tient à deux niveaux, donc le niveau institutionnel et le niveau discursif. Et donc il y a effectivement ce discours d'autorité où on le trouve aussi voilà, beaucoup chez Bourdieu, la parole d'autorité. Mais, ça me semble être une... Mais en revanche, par contre, sur ta proposition selon laquelle ce qui serait intéressant, c'est précisément le fait que ce soit une domination incarnée, là, je souscris complètement, mais alors, pour le renverser aussi, parce que finalement... Donc moi, ce qui m'intéressait, donc, c'était liberté, contrainte, et donc il y avait deux autres couples de notions que l'autorité permet d'embrouiller, de débrouiller. C'était donc personnel, impersonnel, et puis rationnel, irrationnel. Parce que dans l'autorité, il y a une dimension complètement irrationnelle qui doit être assumée, et ensuite qui fait que l'autorité peut être rabattue sur l'autonomie si... Si on en vient à une autorité rationnelle. Donc pour personnel et impersonnel, absolument, et l'autorité normalement c'est bien quelque chose qui désigne des personnes, enfin, ou qui s'incarne, ou des, voilà, qui s'incarne, ça peut être des institutions ou des personnes. Mais l'analyse d'Adorno et Horkheimer, et là celle aussi de Neumann et de Kirchheimer, c'est l'analyse justement de tous ces mécanismes par lesquels, là où on devrait avoir des rapports personnels, on a en réalité des rapports dépersonnalisés. Et donc, c'est toute la dialectique entre la rationalisation et le charisme. Et ça m'avait intéressé, dans l'idée d'autorité des faits, le fait que finalement, la réalité ou le fait prend la place, mais Freud le dit déjà un peu dans la psychologie des masses, prend la place de cette personne qui devrait être le modèle de l'autorité. Et donc on a à la fois des mécanismes d'autorité qui devraient porter sur un rapport interpersonnel et qui en réalité expliquent un phénomène plus vaste qui est de l'ordre de la domination, au sens de la domination impersonnelle. En fait, j'aurais dû passer l'année dernière, c'était le thème des dominations, de la domination impersonnelle, voilà. D'autres questions ? Moi, je te remercie pour cet exposé. Alors, enfin, moi, j'avais une petite question, mais juste sur la fin. Je ne sais pas si c'est... Enfin, si c'est moi qui m'a compris, si c'est un petit peu changé par rapport au livre. En fait, c'est juste entre cette distinction que tu as faite entre autorité, apparition d'un concept d'autorité positif et d'une approche négative de l'autorité chez Honneth et Habermas. Est-ce que tu serais d'accord pour nuancer au sens où, oui, il y a bien des concepts discrets d'autorité, je suis entièrement d'accord, qui apparaissent, comme tu l'as dit. Mais pour dire aussi que leur théorie, de façon positive, essaie de répondre en creux à un concept négatif d'autorité, en fait. Alors, pour Habermas, c'est la réponse à Schmitt, en fait, qu'il a dans l'espace public, dans le droit et démocratie, ou alors quand il va solliciter Arendt, la manière dont il a dialectisé avec Weber, pour dire... elle pense le pouvoir, mais sans rappeler tous les phénomènes de domination qu'il y a, etc. Et Honneth, en fait, le concept de reconnaissance, je sais pas, mais répond quand même à ce qui pourrait être une survenance de l'autorité verticale, en fait, en posant des rapports intersubjectifs, etc. Donc la question, c'est est-ce que tu serais d'accord pour nuancer, pour dire qu'il y a la différence, c'est qu'il y a, par rapport à la première génération, oui, des concepts positifs d'autorité qui apparaissent, mais en même temps, en creux, toujours un concept négatif d'autorité. Donc un concept qui serait plus proche de ce qu'on entend classiquement par autorité, comme celui d'Arendt. Non, Et contre lequel ils écriraient? Un concept négatif, non, au sens de proche de l'autoritarisme d'accord. Développé par la première de théorie. Ah bah si c'est parce que me semblait que dans ton livre tu pointais ça. Je vais pas retrouver là. Parce que donc j'ai eu le temps de pas du tout développer ce que. Enfin j'ai pas du tout eu le temps donc de développer ce que je voulais développer, mais oui. Donc, il y a une prise en compte Enfin, il y a une prise en compte par Honneth comme par Habermas de. Enfin, ils s'inscrivent quand même dans le cadre d'une théorie globale de la domination aussi, enfin, comme la première théorie critique. Mais moi, c'est vrai que je me suis attachée à voir la manière dont ils cherchaient à la nuancer en critiquant celle issue de la première théorie critique. Et toi, tu suggères qu'en fait, ils pourraient nuancer leur critique de l'autorité en se référant à d'autres concepts tout aussi négatifs, mais pas forcément ceux de la première théorie critique. Disons que le spectre de l'autorité développé par la première théorie critique me semble toujours là comme ce à quoi il faut répondre. Oui, bien sûr. C'est parce que j'ai pas évoqué, mais en fait, la théorie, le concept de rationalité communicationnelle, c'est quand même aussi une réponse à une théorie de la rationalité instrumentale qui enveloppe une théorie de l'autorité et une théorie de la domination, qui est celle de Horkheimer. Et pour Honneth, moi je lis l'importance du concept de reconnaissance comme dans la continuité de ce qu'il établit dans Critique d'Hermart, dans la continuité de cette volonté de à la fois développer une théorie de la domination et en même temps développer une théorie des ressources pratiques qui visent à dépasser la domination, donc de se tenir sur les deux plans. Il y avait pas mal d'éléments en fait que j'ai pas eu le temps de donner, mais la citation exacte en fait là que je viens d'essayer de reconstruire vaguement, c'est une critique du pouvoir qui soit capable de comprendre les structures de la domination dans la société, mais aussi les ressources sociales de son dépassement pratique. Et là, c'est pour. Finalement, on peut lire ça comme une sorte de combinaison entre une théorie négative de l'autorité qui doit également utiliser l'autorité au sens positif des ressources dans lesquelles on puise pour établir sa critique. Donc, une critique de l'autorité doit se combiner avec une pensée de l'autorité de la critique. Enfin, c'est un peu facile, mais bon, voilà. C'est aussi la manière dont il établit, pour Honneth, mais je pense que tu pourrais dire pareil pour Habermas, c'est la manière dont il établit son cadre de recherche quand il prend la direction de l'Institut en 2001 ou 2000. C'est cette idée que il y a une tendance qu'il appelle la tendance à la dénormativisation des concepts, qui fait qu'on s'intéresse beaucoup trop aux régulations systémiques et qu'on ne s'intéresse pas assez à tout ce qui est questions normatives et notamment qui vont prendre la forme chez lui de questions liées à la reconnaissance. Et donc, peut-être j'ai mal présenté les choses, mais disons, cette deuxième génération. Elle pose d'abord une alternative, elle pose très souvent une alternative, et j'ai retrouvé cette manière de faire chez Boltanski quand il se situe par rapport à Bourdieu en pensant deux termes et à chaque fois ils ne rejoignent pas le deuxième terme, mais donc le deuxième terme c'est la dimension plus normative, plus positive, et le premier terme c'est donc la dimension plus théorie radicale de la domination et plus pessimiste. Mais il s'attache tellement à critiquer le premier terme que finalement, on a l'impression qu'ils prennent la voie du deuxième terme de l'alternative qu'ils ont posé. Et bon, voilà, j'ai pas eu le temps de l'exposer. Alors, c'est un peu différent chez Boltanski, puisque finalement, il est revenu. Il y a une oscillation qui rend difficile de d'évoquer sa position là. D'autres questions? Peut-être plus d'observations, peut-être. Moi, je pense que c'était vraiment le grand mérite de ce que vous appelez la première génération d'Adorno, Horkheimer, Pollock et des autres, de ne plus utiliser des termes comme liberté, domination, autorité dans un sens anthropologique, non historique, spéculatif, comme c'était la tradition surtout en Allemagne, mais justement de les traiter d'une façon rigoureusement historique, donc de déplacer leur théorie dans un contexte historique en pleine évolution. Je pense que toute leur idée d'autorité s'explique par la place historique qu'ils occupent, surtout selon Adorno. Donc les sources qui étaient traditionnelles, évidemment, étaient des sources qui étaient autoritaires. Après, dans sa vision, c'était la société bourgeoise qui a ouvert un espace possible de liberté. Parce que donc, la domination directe, où c'est le seigneur qui oblige le serf à travailler pour lui, a été replacée par la circulation, où il y a donc au moins une liberté formelle entre participants. Donc, le vendre, l'acheter, donc n'est pas une vol, n'est pas un rapport de domination directe. Après, il faut dire tout de suite, entre parenthèses, que c'est aussi évidemment le point faible d'Adorno et des autres, qu'ils surestiment, ils surévaluent la portée positive de ce qu'on appelle le sujet de la circulation, de la liberté de circulation. C'est quelque chose qui d'ailleurs traverse toute la philosophie d'Adorno, donc cette idée que l'échange est en tant que tel une procédé juste lorsqu'il n'est pas faussé par d'autres facteurs. Donc là, il y a une espèce de... Il évite la sphère de la production, il évite tout ce qui arrive dans la production, mais donc, de toute manière, parce que la circulation bourgeoise est idéalisée. Mais soit, quand même, c'est important dans la théorie critique. Pour eux, surtout au XIXe siècle, la société bourgeoise classique a au moins ouvert un espace possible de liberté et de réflexion. Ce qui s'exprimait dans une structure familiale qui était évidemment marquée par l'autorité, mais une autorité qui n'était plus une autorité absolue, une autorité du père qui permettait quand même aussi aux enfants de se former en opposition à un père qui n'était plus un père absolu. Et évidemment, cette liberté s'exprimait surtout selon Adorno essentiellement dans le grand art, dans l'art qui explique, d'une certaine manière, qui développe la potentialité d'un sujet autre, d'un sujet qui ne soit pas un sujet de domination. C'est évidemment la thèse centrale de la théorie esthétique. Après, je pense que toute la théorie critique prend en vérité, donc après le tâtonnement dans les années 20, prend sa physionomie de Sturm lorsqu'elle adhère autour de 1930 à la thèse de Pollock sur le capitalisme monopoliste. Donc sur l'idée qui de toute manière avait l'évidence de son côté, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la libre circulation était remplacée par le pouvoir direct de l'État ou des monopoles, des multinationales, comme on disait aujourd'hui. Une théorie qui d'ailleurs, comme vous savez, avait déjà été annoncée un peu plus tôt par Ilferdig, repris par Lénine. Mais après, c'était surtout Pollock qui avait appliquer cette idée en même temps à l'Union soviétique, au début de la planification dans l'Allemagne nazie, mais aussi au New Deal aux États-Unis. Donc l'idée que l'ancienne liberté avait été cassée, donc le capitalisme était devenu à nouveau une société de domination directe, donc il n'y a plus de liberté. Donc même cette liberté bourgeoise est disparue, et donc à nouveau l'autorité et la domination coïncident directement dans cette nouvelle situation. Et donc tous les tournants, ce qu'on a dit pessimistes de la théorie critique, s'explique évidemment sur cette arrière-forme. C'est comme l'écrit de Horkheimer sur l'État autoritaire. Et donc tout ce qu'on a tellement critiqué chez Adorno, même dans l'après-guerre, cette idée que nous vivons, son affirmation que nous vivons dans une situation d'aveuglement total dans la société administrée, c'est pas sur cette idée que la société capitaliste ne connaît plus de contradictions internes. Il n'y a plus de dynamisme qui crée de la liberté à l'intérieur d'une espèce de dialectique de la production. Mais il y a où, selon Adorno et Horkheimer, il n'a pratiquement le carotte sans cuite, il n'a presque plus rien à faire, ou selon d'autres, comme Marcuse et d'autres, il y a finalement des sujets externes qui interviennent. Et je pense que leur traitement de l'autorité est strictement lié à cette espèce de changement qu'ils avaient observé. Donc c'était le même changement qu'évidemment que Polanyi avait appelé la grande transformation. Et là, évidemment, aujourd'hui, et la question, c'est qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui. Donc d'un côté, évidemment, des gens comme Habermas et Honneth, ils ne supportaient pas cette négativité de leur maître, ils ont voulu absolument réintroduire des éléments de communication ou de reconnaissance, de certaine manière pour adoucir cette idée d'une espèce de totalité. Tandis, je pense, une autre approche possible, c'est-à-dire il y a effectivement quelque chose qui a cassé cette espèce de totalité fermée, mais c'était justement le fait que cette totalité, en vérité, n'était pas si totale, comme pouvait le croire Pollock ou Camille Adorno, parce qu'en vérité, le capitalisme est par sa nature même une société basée sur la contradiction et sur la concurrence, et le monopolisme n'était qu'une phase plus apparente que réelle d'ailleurs, qui au plus tard, avec la fin de l'époque keynésienne, est pratiquement devenue à nouveau une société pleine de contradictions visibles, Adorno, mais qui ne sont plus des espaces de liberté, c'est là le problème. Adorno, justement, en réévaluant finalement l'analyse de Neumann sur le behemoth, qui, elle, faisait fond sur les contradictions et était beaucoup moins pessimiste, critique que la sienne, que celle de Pollock, finalement, tend vers ça plus tard, en fait. Revient vers cette idée. Je sais pas si... oui, donc toute cette réflexion sur l'autoritarisme comme ayant pour fond, disons, le diagnostic d'un... la thèse du capitalisme d'État de Pollock et la thèse, en fait, d'une transformation d'un passage du libéralisme à l'autoritarisme et effectivement l'arrière-fond de cette théorie de l'autorité dont j'ai traité mais que j'ai pas évoqué ici parce que je me suis heureusement tenue juste à un point, mais j'en avais trois en fait. Enfin, il y en avait trois qui étaient développés et celui-là c'est le deuxième. Effectivement, vous avez complètement raison sur le fait que la théorie de l'autorité, c'est une théorie historique et elle est déployée sur fond d'une conception du passage du libéralisme à l'autoritarisme et donc finalement de l'avènement d'une impuissance de plus en plus radicale de l'individu. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait, dans la manière dont Adorno et Horkheimer reprennent à leur compte la thèse de Pollock, finalement, ils n'en restent pas. Enfin, Horkheimer, si, dans l'État autoritaire, mais ensuite, quand ils analysent les classes sociales, la réflexion sur les classes d'Adorno, ou bien la réflexion sur la sociologie des classes, je ne sais plus comment ça s'appelle l'essai de Horkheimer à la même époque, en fait, ils transcrivent cette thèse du primat du politique en termes. Dans des termes qui sont aussi non strictement politiques, enfin, dans des termes, dans une réflexion qui continue à être anthropologique à sa manière, historique, hein, mais voilà, donc il y a bien une théorie de. Il y a bien une articulation entre la théorie de l'autoritarisme croissant et la théorie de l'autorité. Au sens de la psychologie sociale que j'ai essayé de présenter ici. Et ce n'est pas une dimension que j'ai oubliée. D'autres questions ? Petite question, c'est où qu'ils discutent des Bakounine ? Non, c'est pas, ils n'en discutent pas, c'est présent, enfin si, si, ils n'en discutent pas. Horkheimer mentionne ça dans Autorité et famille, dans son introduction à l'étude de 1936. Ouais. Mais c'est très bref. Bon, j'en profite pour glisser. Oui, juste un point. Si on revient à la première version de la première génération de l'école de Francfort sur la question de l'autorité, on voit qu'il y a finalement deux adresses en fait sur la critique de l'autorité. Une adresse personnelle, le problème du statut psychique de l'autorité finalement, avec l'intervention de la psychanalyse qui tend à devenir de plus en plus centrale, et d'autre part un aspect institutionnel. Alors, je pense que ça doit par ailleurs partiellement à Weber aussi sur le pouvoir charismatique et le pouvoir légal rationnel, mais je me demandais en fait si Adorno et Horkheimer éventuellement connaissaient sur la question d'autorité des travaux finalement sociologiques qui ne mettaient l'accent d'ailleurs ni sur l'aspect de la personnalité, ni sur l'aspect d'autorité personnelle, ni sur l'aspect de l'autorité institutionnelle, mais sur l'aspect de l'autorité collective, des formes de conscience collective. Et il y a quand même un auteur central, là, c'est Durkheim. En gros, toute la sociologie durkheimienne, c'est une psychologie sociale, en un sens. Ça s'appuie sur une psychologie sociale. Et ce qui met en avant, c'est ni les problèmes d'autorité personnelle, au fond, ou psychique incarnée, jamais dans les individus ni des autorités institutionnelles, mais chaque fois, à la fois au niveau religieux, à la fois au niveau de la division sociale du travail, etc., le problème de la conscience collective comme exerçant une autorité en fait sur les individus, avec cette fois une charge en fait tout à fait positive dans l'évaluation du statut de l'autorité. Au fond, pour Durkheim, en fait, l'autorité, c'est une fonction d'intégration sociale, extrêmement positive d'intégration sociale. C'est à la fois la manière de fonder une morale, c'est à la fois la manière d'intégrer les individus dans des collectivités, c'est la manière de rendre les intérêts compatibles, c'est la manière de produire de l'autorité morale, de l'éducation morale. C'est une manière même de produire des contre-pouvoirs contre les institutions publiques. Quand les institutions sont oppressives, alors c'est quand même l'autorité des groupes qui s'oppose en fait aux institutions publiques. Donc il y a toute une valorisation en fait de l'autorité, et on dirait en fait que cette première génération ne connaît pas ce trait de Durkheim, ne prend pas en compte ou ne discute pas. Oui, c'est un effet de présentation. En fait, enfin, je dirais juste deux choses. Enfin, je sais pas, je réponds. Ouais. Non, mais en fait, d'abord que sur l'idée, elle est présente, pas forcément rapportée à Durkheim, mais l'idée, en fait, c'est celle d'une dialectique de l'autorité, c'est-à-dire qu'il y a bien, et en référence à cette période libérale justement un peu idéalisée et à cette conception de l'individu un peu idéalisée, il y a bien l'idée que il y a une forme d'autorité qui est justement dans l'éducation, on peut justement penser à Durkheim pour ça aussi, mais qui est la condition qui sert à une dimension personnelle, mais pas seulement, qui est la condition de l'autonomie. Enfin, c'est cette espèce d'idéalisation de la famille comme rempart, mais aussi en fait de toute forme de socialité qui fasse rempart à la dureté des processus sociaux. Et la crainte, en fait, c'est qu'elle soit court-circuitée par des relations directes de domination, une sorte de socialisation directe par des groupes, le club de foot, etc. Enfin, Adorno a une sorte de focalisation sur toute cette socialisation directement horizontale, mais qui, en fait, est verticale, parce que c'est le modèle, c'est un peu le nazisme, de ce point de vue-là. Donc ça serait la première chose, c'est qu'il y a bien cette idée d'une autorité vectrice de valeurs morales, d'autonomie, d'esprit critique au fond, et c'est bien là qu'on prend, que j'ai pris cette idée d'une autorité positive, ressource. Pour Durkheim, il y a une référence à Durkheim. En fait, Durkheim, il est très rapidement et très souverainement en fait ramené à l'esprit objectif. Enfin, la conscience collective, c'est l'esprit objectif hegelien. Donc du coup, évidemment, c'est bon. Enfin, ça, c'est ce que fait Adorno dans des notes, en fait, assez rapidement. Et donc, ça infléchit les choses vers quelque chose d'assez négatif, en fait. C'est, finalement, c'est de l'idéologie, quoi. Donc, il y a peu de place, ou alors, enfin, peut-être des thèses que je ne connais pas du tout. Plus tard, Adorno a écrit une longue introduction à l'édition allemande des écrits de Durkheim. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Je ne sais pas si elle a été traduite. Elle est très alambiquée, elle dit et ne dit pas. De toute manière, elle rend justice à Durkheim d'être une description dure, mais de certaine manière correcte, de ce qui est vraiment la position de l'individu dans une société capitaliste. Au contraire, en général, c'est très positif. Donc, et puis, dans tous les textes, toutes les leçons de sociologie et sur la théorie sociale, enfin, là, tout ce que toi tu décrivais en termes d'autorité, en termes positifs, c'est réduit à la contrainte du fait social. Quoi. Donc, ouais. On reprend. Qui est donné. C'est pas seulement l'esprit objectif, mais surtout, c'est le fait social comme contrainte. Quoi. Ouais. Donc, comme extériorité, comme la domination. Au sens littéral, prendre les faits sociaux comme des choses, et donc c'est de la sociologie positiviste, et donc il n'y a pas d'autorité, c'est au contraire. Ah oui, alors que pour Durkheim, c'est l'autorité au sens propre. Ah oui, puis en plus, dans les un concept d'autorité, parce qu'il y a un concept de respect à l'égard de la conscience collective, de désirabilité du bien qu'elle produit, etc. Donc, c'est pas de la domination et de l'écrasement pur et simple par l'extériorité réifiée. C'est pas du tout ça chez Durkheim. Non, ça, c'est passé cette dimension est passée sous silence chez Adorno, je pense. Par contre, c'est exactement le point dans la théorie de la guerre communicationnelle qui permet à Habermas de se tourner, enfin, d'introduire le concept d'autorité. Puisque c'est justement vers Durkheim qui se tourne quand il dit que la perspective de Mead ne suffit pas, puisqu'il faut penser une autorité morale, mais qui risque de rester lettre morte si elle n'est pas institutionnalisée. Et donc, dans sa réflexion sur l'autorité, mais qui est pleinement positive, là, du coup, et qui déploie tout ce qu'il y a chez Durkheim, c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers Durkheim. Donc, raté pour Adorno, mais. C'est le moment qui est justement souligné par ses successeurs. Oui, Alexis. Oui, tu posais la question à la fin et à la fin du livre aussi, de comment articuler théorie négative et théorie plus positive de l'autorité. Moi, j'ai évidemment pas de réponse, mais je me faisais la remarque que il y a deux manières de. Enfin, que ta présentation de l'évolution de la théorie physique était, on pourrait dire, l'inverse de celle de Honneth, non critique d'Hermarck. Où est-ce que tu es d'accord? Il lui dit on n'arrête pas de passer à côté. Depuis Horkheimer, il y avait des éléments, puis après, c'est fini. Chez Habermas, il y avait des éléments, puis en fait, c'est pas possible. Et moi, je fais que déployer ça. De l'émancipation, pour le dire très largement. Et toi, tu dis, mais au fond, il y a une disparition ou des ratés d'une théorie de la réification, je dirais ça comme ça, ou de l'idolâtrie des faits. Et au fond, il y a cette manière un peu double de dire, mais il y a quelque chose qui est tout le temps raté, quoi, dans l'évolution des théories critiques, soit réification, soit émancipation. Et comment simplement, moi, déjà, est-ce que tu es d'accord que tu présentes les choses à l'inverse complètement de critique d'Hermarck? Et quelles seraient les pistes pour penser soit une génération suivante, soit une autre manière de décrire les choses que on n'y arrive jamais. Oui, c'est effectivement, enfin, c'est vrai que je présente les choses à l'inverse. Je suis tout à fait d'accord. Et pourtant, il y a des, enfin, Critique d'Hermarck, c'est aussi un ouvrage qui essaye de, enfin, qui justement a aussi une perspective historique par rapport à d'autres. Il a une perspective de reconstruction, enfin que j'ai voulu aussi suivre d'une certaine manière, mais que j'ai pas pu vraiment suivre parce que il est guidé par une perspective habermasienne que j'ai pas partagée. Donc effectivement, je suis d'accord avec ta présentation. Je pense qu'il est beaucoup plus constructif que moi, parce que moi je dis voilà, il y a du raté et on a loupé quelque chose, mais j'articule pas. Lui, il construit ce qui lui manque, mais en fait il injecte aussi des choses qu'il n'y a pas dans la première théorie critique, ou alors il déplore d'une façon un peu forte des manques qui me semblent pas, enfin, par exemple le manque du social chez Horkheimer et Adorno, ça me semble un peu enfin, c'est une conception spécifique du social qui effectivement est guidée par une perspective de théorie de la communication et puis de théorie de la reconnaissance par la suite. Mais et puis bon, il semble déplorer un modèle de l'action chez Horkheimer qui serait réduit au travail, mais enfin, une conception réductrice du travail. Et là encore, je partage pas complètement cette conception. Mais alors, ma perspective est inverse, sauf, enfin, sauf qu'elle entend peut-être, voilà, essayer d'établir un lien pour permettre de faire une critique réciproque. Enfin, c'était mon intention. J'ai pas j'ai pas de piste. J'ai une question en fait, peut-être, qui serait. Puisque ce qui fait la différence entre les perspectives de la première génération et de la deuxième, c'est une conception du social et une conception de la critique, et finalement un degré de radicalité dans la critique également, et puis bon, des perspectives ouvertes. La question, c'est pourquoi il me semble que la théorie de l'autorité de la première génération a une forme de contemporanéité. Enfin, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle me semble dire quelque chose, devoir dire quelque chose de la situation actuelle plus qu'une théorie ancrée dans une théorie de la communication. Donc c'est ça ma question, c'est quelle est la contemporanéité d'une théorie qui, comme je l'ai dit, émerge au moment du fascisme, c'est-à-dire émerge dans une configuration historique extrêmement spécifique, même si après elle se dissout. Une théorie qui façonne ces objets dans un contexte historique dont on ne peut pas dire qu'il soit nôtre du tout. Et pourtant, il y a des choses qui, dans les théories, dans les analyses des théories syncrétiques des années 30 et 40, qui me parlent davantage que certaines des élaborations des années 80 et 90. Et donc, moi, je l'ai identifié là, mais je n'ai pas eu le temps de le développer. Mais au plan épistémologique, dans une certaine limite de l'immanent, c'est-à-dire dans une certaine différence de la critique immanente, c'est-à-dire la critique est davantage immanente au sens où elle se tient davantage au niveau des acteurs et elle les suit davantage, mais elle ne parvient pas forcément à saisir cette fausseté du tout. C'est-à-dire, elle est tellement immanente que finalement elle fait confiance à la rationalité et donc accepte parfois la totalité comme étant problématique. Voilà. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut pousser la critique pour qu'on puisse saisir ces processus de destruction, enfin parfois de destruction de la rationalité ou de passage à une normativité qui soit l'indice d'une fausseté, enfin l'expression de la fausseté. Ce qui n'est pas ce que fait Honnête et ce qui n'est pas, parce que c'est pas non plus dans le cadre habermasien. Voilà. Mais j'ai pas la réponse du tout. D'autres questions? Oui, vas-y, Manu. En fait, il y a deux volets, disons, grand type d'enjeu dans ton livre. Hein. Moi, je ne parle pas du double volet historique et actualité, mais plutôt ces deux questions qui sont d'une part celle de l'autorité, et d'autre part celle de l'interdisciplinarité. Et tu insistes beaucoup, tu viens d'en faire à nouveau, sur le fait qu'il ne faut pas prendre le caractère en apparence flou et déterminé du concept d'autorité pour un obstacle à son usage pertinent. Au contraire, il y a une ambivalence fondamentale qui permet donc de problématiser tout ensemble de questions. Donc l'actualité de ces questions, un usage du concept d'autorité inspiré par la théorie critique pour penser par exemple la domination aujourd'hui, tu l'affirmes nettement, mais tu ne sembles pas procéder de la même manière en ce qui concerne ta disciplinarité. Hein, tu as des développements qui soulignent, enfin tu parles, d'ailleurs tu auras reparlé dans le livre, tu l'as redit je crois tout à l'heure, tu as parlé d'un abandon du cadre interdisciplinaire, donc il y a l'idée d'un passage de l'interdisciplinarité à l'essayisme en référence à l'essai d'Adorno, l'essai comme forme. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on se pose la question en fait, de l'actualité de la théorie critique? Pour toi, est-ce que tu veux dire que, enfin, est-ce que ta conclusion de ce point de vue particulier, c'est que bon, il faut renoncer à des projets de théorie critique interdisciplinaire ambitieux au sens de ceux qui étaient mis en œuvre dans les années 30, mais qui, me semble-t-il, ont surgit aussi dans la controverse avec Popper, ou également dans les textes, dans les leçons sur la sociologie ou la théorie sociale des années 60, c'est-à-dire un modèle de philosophie sociale qui est fondé sur une théorie sociale générale, d'une part, et d'autre part, sur une épistémologie des sciences sociales, de la connaissance sociale, d'autre part. Est-ce qu'il faut abandonner donc, ces modèles au profit de quelque chose qui relèverait donc, de ce modèle de l'essai comme forme, ce qui reviendrait à dire que le philosophe social il a le droit finalement d'emprunter librement des concepts, des problématiques à différentes sciences sociales, de les agencer aussi, que la seule librement, disons, en un sens, c'est-à-dire sans les justifier du point de vue de la théorie sociale générale et de l'épistémologie sociale, la seule question pertinente étant la constitution de modèles théoriques et critiques adaptés à l'utilisation à la connaissance et à la critique de phénomènes particuliers. Est-ce que c'est ça, en fait, qui te semble... Merci pour cette question. Non, c'est pas ça. Mais, pourquoi insister sur l'essai? Oui, alors non, c'était pour faire sentir, mais sans vraiment pouvoir le développer non plus, l'autre sens de l'autorité qui avait expliqué la manière dont... Enfin, les processus qui ont miné le premier programme, cette confiance dans les sciences qui est atteinte, etc. Mais j'ai évidemment passé sous silence, et faute de temps et ou bien d'attention suffisante, le fait que même si il y a un moment où il passe dans l'essayisme, dans ce livre qui est tout à fait singulier et qui est étrange, parallèlement, il continue la pratique de l'interdisciplinarité, les enquêtes empiriques. Adorno, il dirige la personnalité autoritaire en 49, donc c'est après l'écriture du livre, et toutes les studies on prejudice, elles sont postérieures à l'écriture. D'ailleurs, c'est ça qui a embêté Honnête et Habermas dans leurs commentaires, c'est comment cette philosophie négativiste de l'histoire s'articule avec ces données empiriques. Alors non, moi quand je parle d'abandon du programme interdisciplinaire, c'était pour marquer l'abandon d'un certain programme interdisciplinaire. Et j'ai essayé de développer, mais trop brièvement à la fin, l'interdisciplinarité que je considère qu'il faut continuer à défendre, et c'est ce que j'ai essayé de dire en référence à Arendt, en fait, qui refuse de penser ces tensions entre les différentes sphères, et donc qui du coup ne se donne pas du tout, qui n'a pas besoin d'une perspective interdisciplinaire. Donc la différence, c'est celle que tu as aussi décrit, c'est... l'abandon d'un programme interdisciplinaire dans lequel la philosophie est un peu trop extérieure, et donc elle vient en quelque sorte récolter les résultats des sciences, et elle leur donne en quelque sorte sans souverainement, mais sans véritable interdisciplinarité. Donc ce qui m'intéressait dans l'analyse de l'autorité, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a une interdisciplinarité et pas forcément une supradisciplinarité, bon, ou une multidisciplinarité, au sens où les problèmes que les disciplines posent sont repris au sein des disciplines, des autres disciplines. Donc pour l'autorité, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe avec la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a bien une interdisciplinarité, au moins entre la perspective de théorie socio-économique, théorie psychanalytique et disons théorie de la culture quand on reprend les modèles qui les ont dans les années 40. Donc je considère, enfin effectivement, mais je l'ai pas du tout suffisamment rappelé, mais que s'il y a une théorie critique à sauver, elle est nécessairement interdisciplinaire. Et peut-être, alors ce que tu me permets de voir, c'est que de ce point de vue-là, on a beaucoup moins à reprocher de ce point de vue-là, la critique qu'on peut faire au modèle de Habermas et de Honneth est tout à fait différente de celle que je fais concernant le contenu de leur théorie de l'autorité. Donc ça, il faudrait que j'y réfléchisse davantage. Mais en tout cas, il ne s'agissait pas du tout de dire qu'on devait passer à l'essayisme et que c'était un mode de théorie sociale, parce que je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Ce que je m'appuyais sur un texte de Rollet qui montre justement, mais aussi trop rapidement, que dans l'essayisme, il y a finalement l'intégration. Il le montre d'autant plus depuis qu'il a édité les textes de la dialectique de la raison, qu'en fait, c'est un essayisme qui n'est pas un geste esthétique, hein, c'est simplement un mode d'écriture, un nouveau mode d'intégration de disciplines spécifiques. Donc il l'a montré pour l'ethnologie et l'anthropologie dans son texte, mais il disait que à la lecture de... C'est vrai, on peut le montrer pour, par exemple, la théorie du criminel, qui est une sorte de fragment qui est déjà publié partiellement dans la dialectique de la raison, le vrai ouvrage de la dialectique de la raison, extrait d'une théorie de la délinquance, ça s'appelle. Il y a déjà une intégration de toutes les réflexions de beaucoup de réflexions de théorie du droit et de l'État, enfin de Kirchheimer en fait, hein, qui sont intégrées et critiquées dans l'essai, sous une forme ici. Juste pour ajouter un mot, il me semble quand même que c'est deux idées différentes. Quoi. L'idée d'intégrer différents éléments de différentes disciplines dans une forme spécifique, ça c'est le modèle de l'essai. Et effectivement, il y a des textes d'Adorno qui relèvent de ce modèle, quoi. C'est indéniable. Et c'est un autre modèle de se dire que la philosophie sociale, ça doit développer une théorie sociale générale et une épistémologie pour justement des sciences sociales. Et ça, c'est la position que je défends clairement dans Philosophie Schoenwinkel et la théorie de la Gesellschaft, qui me semble sous-jacente dans la controverse avec Popper. Et c'est pas du tout évident en fait qu'il y ait qu'un seul modèle en fait chez Adorno. Oui, aussi, oui. Mais par contre, il y a un problème d'enjeu fondamental quoi, pour comprendre l'évolution de l'école de Francfort et aussi donc la nature de l'interaction avec Horkheimer et Adorno, c'est est-ce qu'il y a une continuité ou pas dans l'évolution d'Adorno. Il me semble que toi, tu soulignes la continuité avec l'actualité de la philosophie, alors que moi, il me semble qu'au contraire, il abandonne complètement sa méfiance à l'égard des sciences, il s'intéresse de plus en plus à la théorie, il s'intéresse de plus en plus à la théorie sociale, il commence à faire ça dans les années 30, dans les grands articles qui sont reproduits dans Prisme, il commence à devenir marxiste, en tant que théoricien social. Donc il a une évolution presque inverse de celle d'Adorno. Et finalement, il crachait sur l'interdisciplinarité et il va la défendre dans les années 60 de façon très, très. Et donc, il y a le texte fondamental sur les recherches expérimentales aux États-Unis où là, il dit j'ai découvert ce que c'était dans les années 40, c'est à peu près au même moment, et là, j'ai commencé à comprendre, à prendre au sérieux la recherche sociale. Et donc, c'est vraiment des évolutions paradoxales, en fait. Ouais, en fait, notre désaccord n'est pas énorme, parce que je ne pense pas qu'il crachait sur l'interdisciplinarité à ce point-là. Enfin, c'est-à-dire que quand je vois une continuité, c'était sur le concept d'interprétation qui est maintenu depuis la philosophie jusqu'à la querelle sur le positivisme. Il dit, je crois que c'est Suzanne Buckmorse qui souligne que Adorno dit qu'il doit à Horkheimer, qu'autant Horkheimer lui doit une forme d'antipositivisme, autant lui il a fait le chemin inverse. L'évolution n'est pas si radicale, en tout cas n'est pas si brutale, au sens où moi je ne lis pas l'actualité de la philosophie comme un texte complètement philosophique. Il dit bien, et il le redit dans les discussions avec, avec Horkheimer dans les années donc 30, c'est 39, il dit les questions scientifiques sont déjà philosophiques. Et il le dit presque comme ça dans l'actualité de la philosophie. Moi, je vois plus de continuité parce que je n'ai pas l'impression qu'il parte d'une opposition. Ou alors, on peut déjà lire que s'il part d'une opposition avec Horkheimer, il part de l'opposition entre une philosophie qui se croirait extérieure et supérieure, en fait, et donc pouvant décider, bon, ce qui n'est pas non plus exactement ce que dit Horkheimer. Et il va vers l'idée que... Alors, on peut lire ça comme très philosophant, mais les faits n'existent pas, qu'ils sont uniquement déterminés dans une structure théorique, et ça commence à intéresser la manière dont les sciences posent les problèmes. Donc, à la lecture de leur discussion, au moment où ils écrivent la directive de la raison, alors, je défends pas le modèle de l'essai du tout, là-dessus, je me suis mal exprimée probablement, mais sur le maintien d'une interdisciplinarité, je pense qu'il y a une discussion entre eux qui fait qu'ils évoluent effectivement. Ça, c'est indéniable, et l'évolution pour moi, elle est vers à la fois un antipositivisme, et à la fois en fait la distinction se déplace entre philosophie et science, elle commence à passer dans les sciences. Ça, c'est ce que fait Adorno, donc entre une sociologie positiviste et une sociologie, disons, critique. Mais il n'en résulte pas un cadre théorique interdisciplinaire dans lequel la philosophie aurait une... il n'exprime plus les choses en parlant d'un programme interdisciplinaire de recherche où la philosophie aurait une forme de suprématie. Effectivement, il y a bien une évolution, et en même temps, ce qui prend en charge la dimension philosophique ou ce qui prend en charge la dimension de l'interprétation, c'est de moins en moins une philosophie extérieure et souveraine. Voilà, ce serait ça le... Mais j'ai l'impression qu'ils ont cette discussion en commun, que c'est pas forcément quelque chose de... Une découverte soudaine que ferait Adorno quand il est amené à travailler avec Lazarsfeld. Enfin, je suis pas sûre que ce soit uniquement ça. C'est aussi une discussion épistémologique entre eux, qui est lente et qui est celle de l'élaboration de la dialectique de la raison. Qui ne débouche pas sur l'élaboration d'un programme commun, au contraire, qui va plutôt prendre la forme d'un échec. D'autres questions? Peut-être une dernière question, en fait, oui. Moi, j'ai une toute petite question. Et du coup, en fait, quelle serait l'actualité là, du coup, de l'interdisciplinarité aujourd'hui à l'école de Francfort? Quelle serait la position de honnête sur, s'il y en a une, sur est-ce qu'il faut infléchir, est-ce qu'il faut renforcer un programme d'interdisciplinarité qui se serait infléchi vers un moins de dialogue, ou est-ce qu'il... Qu'est-ce que j'ai... Le contexte n'est pas le même, et donc c'est vrai que quand il établit son programme, il veut redonner en quelque sorte, réinjecter de la philosophie dans des sciences sociales, donc dénormativiser d'après lui. Je ne sais pas si c'est son dernier mot, parce que dans la pratique. Je sais pas si tu... Je pense que son d'abord, il a vraiment voulu, quand il a pris la direction de l'Institut, relancer. C'est quelque chose qui était plus pratiqué, puisque là, c'est complètement désintéressé de ça, au moment où il est arrivé à Francfort, en faisant bien attention de n'avoir rien à voir avec l'Institut de recherche sociale. Et donc je pense qu'il a construit, il a voulu donc relancer ce programme d'Asien. Il a pensé que sa théorie, alors, elle devait avoir quelque chose comme un statut d'idéal typique qui pourrait être utilisé, construction d'idéal type assez généraux qui pourrait être utilisé de façon assez libre par les recherches, qui serait relativement indépendante de lui. Donc c'est un modèle quasi fait pas rien, et puis maintenant il a renoncé. Non, il a peut-être renoncé, mais en tout cas, il y a eu, il y a un nombre de recherches qui utilisent ces concepts qui est incalculable, je suppose. Et il a voulu donner un cadre, enfin comme cadre, et il a voulu donner, mais ça c'était après, donc en 2006. Et quand il a voulu donner le, ou en 2001, je sais jamais, le cadre d'une, finalement d'une sorte de théorie de la modernité, théorie des paradoxes de la modernisation capitaliste, et c'est ce qu'on a dans les textes qui sont traduits dans la société du mépris. Ça c'est le programme initial en fait. C'est celui-là, ouais. Ouais. Parce la modernisation du capital, enfin la modernisation, c'est le paradoxe de la modernisation capitaliste. Mais ça, c'est le seul en fait projet qui a été réalisé véritablement. Après, il y en a eu un deuxième sur le paradoxe de la reconnaissance qui a été lancé, mais qui a avorté plus ou moins, enfin qui donne d'autres effraies. Enfin, mais c'est les deux seuls projets qui a vraiment été impulsé. Et après, il a, enfin, pour des raisons qui sont contingentes, hein, pour certains, et institutionnelles, il a renoncé à ça. D'accord. Non, plus de temps là, je crois, que pour des questions. Donc, on se donne rendez-vous pour le 10 février, je crois. Alors, cette fois-ci, ce sera anthropologie française. Non, ce ne sera plus, hein, parce que ce sera sur l'anthropologie dynamique, mais j'aborderai pas uniquement des textes français. Donc, effectivement, il y aura une partie sur, évidemment, Balandier, mais j'aborderai aussi d'autres auteurs. Donc, ce sera sur le projet d'anthropologie dynamique, son apport à l'anthropologie politique et, effectivement, aussi à la manière dont on peut réfléchir les phénomènes de domination, les questions de stratification sociale. D'accord. Il y a un titre à changer. C'est donc anthropologie dynamique et anthropologie politique, mais je diffuserai un résumé de toute façon. D'accord. Donc on donne rendez-vous au 10 février prochain. Merci. Non, mais je suis sûre qu'on va faire des questions. C'est un respect.